Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thank you. Yesterday, we already started Metta Bhavana, Kumun, Metta, and Particular, or Special, both, right? Now, today we are going to study these particulars again for your clear understanding, okay? Yeke ji bana budati tasawa taurawa nawasisa digawa yiwa manda majima rasaka nukatula deitawa yiwa adeita yija duri wasanti aviduri Buddha wa sambhavi siwa savi sada bhavantu sukhi dada. Okay, please end French translation. Quels que soient les êtres vivants, faibles ou forts, ceux au corps long, moyen, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'il soit proche ou lointain, qu'il soit né ou à naître, que tous soient heureux. Digawa yiwa mahanda majima rasaka anugatula. Digawa rasaka majima. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Okay, please repeat after me. Digawa rasaka majima. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Please. Digawa rasaka. Digawa rasaka. Majima. Majima. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Mahanda. Mahanda. Anuka. Anuka. Majima. Majima. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Tula majima anuka sabi sada bhavantu sukhi dada. Okay, repeat after me. Tula majima rasaka. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Again. Tula. Tula. Majima. Majima. Especially anuka. Anuka. Anuka. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Sabi sada bhavantu sukhi dada. Okay. On a vu maintenant qu'il y a dans ce paragraphe trois groupes de trois types de personnes. Il faut se souvenir que tout ceci a été mis en vers et c'est pour ça que c'est un petit peu mélangé. Il y a trois groupes. Le premier, ce sont les êtres qui sont longs, qui sont courts ou qui sont moyens, comme par exemple les serpents, qui sont longs. Le deuxième groupe de trois, ce sont les êtres qui sont grands, petit ou moyen, comme l'éléphant, il est grand. Et le troisième groupe, ce sont les êtres qui sont gras ou gros, fins et moyens. Tassawa taurawa sabi sada bhavantu sukhi dada. Okay, repeat after me. Desawa, Tawrawa, Nwasisa. Zawa, Tawrawa, Nwasisa. Savi, Sada, Bawantu, Suki, Dada. Savi, Sada, Bawantu, Suki, Dada. Ok. Et donc ici, dans la deuxième phrase, il est question d'un groupe de deux, les êtres qui sont forts et les êtres qui sont faibles. Que tous ces êtres soient heureux et en paix. Quels que soient les êtres vivants, faibles ou forts. Donc cette deuxième phrase contient deux catégories de personnes, c'est un groupe de deux. Il y a le mot tassa qui veut dire fort, qui est traduit ici par fort ou strong, et le mot tawara qui est traduit par faible ou weak en anglais. En fait, Bhante a déjà étudié ces deux mots hier lors de l'enseignement. Quand on dit les êtres forts, cela veut dire les êtres qui sont libre de la peur. Et quand on parle des êtres faibles, ce sont les êtres qui ne sont pas libres de la peur. Alors, on peut voir ceci d'un point de vue très pratique. Quelqu'un qui n'a pas de peur, c'est quelqu'un qui est brave. Par exemple, un général qui se montrerait très brave dans la bataille. Quelqu'un qui a de la peur, c'est quelqu'un qui est peureux et qui n'ose pas se lancer dans la bagarre, par exemple. Mais il y a encore une signification plus profonde à ces deux mots. Quand on parle des êtres qui sont braves, donc qui sont forts, qui n'ont donc pas de peur, il s'agit en réalité des anagamis et des arhats, parce que ces personnes-là ont donc atteint le troisième et le quatrième stade de sainteté, et à ces stades-là, la colère disparaît complètement. Ils n'ont plus aucune forme de colère en eux. Il faut savoir que la peur est assimilée à la colère. C'est une forme atténuée de colère. Donc, ces êtres-là n'ont plus du tout de colère en eux. Et donc, ils sont braves dans le sens libre de la peur. Les autres, les êtres ordinaires, de même que ceux qui ont atteint les deux premiers stades de réalisation, les Sotapanna et les Sakatagami, ont encore de la colère en eux, donc de la peur. Quand on parle des tassa, cela veut dire en réalité les êtres qui ont encore de la peur, et tawara, les êtres qui sont libres de la peur. Okay. On peut interpréter ces deux mots de façon très simple en disant que les êtres sont soit faibles, soit forts, que ce soit physiquement ou mentalement. Now, second sentence, okay, second phrase. Deita wa yiwa adeita savi sada bhavantu sukhi tata. Okay, please repeat after me. Deita wa yiwa adeita savi sada bhavantu sukhi tata. Yicha duri wasanti awi duri. Yicha duri wasanti awi duri. Savi sada bhavantu sukhi tata. Okay. Now, next one. Buddha wa sambhavi siwa. Savi sada bhavantu sukhi tata. Okay, now. Together, Buddha wa sambhavi siwa, savi sada bhavantu sukhi tata. Bhante vient de citer d'autres groupes de deux, ceux qui sont proches et ceux qui sont lointains, ceux qui sont nés et ceux qui sont à naître. On a déjà vu tous ces groupes hier. Bhante explique que maintenant, ça fait déjà quelques jours que vous êtes occupé à pratiquer metta. Vous pouvez donc passer d'une méthode à l'autre. Vous pouvez pratiquer selon ces différents groupes, mais si vous êtes fatigué, vous revenez simplement à la pratique que vous avez l'habitude de faire. Il faut comprendre que ici, nous sommes dans une retraite intensive et bien sûr, on pratique toute la journée. Mais lorsque vous serez rentré chez vous, vous devrez continuer à pratiquer cette méditation, ne fût-ce qu'une demi-heure par jour. Et c'est très important. En réalité, c'est beaucoup plus important qu'ici, parce que c'est dans la vie de tous les jours qu'on rencontre les problèmes. Ici, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup au niveau familial, au bureau. Et donc, c'est là qu'il faudra mettre en application Metta. Voyons maintenant quelles sont les instructions du Bouddha à ce propos. Okay. Now let's go to next verse. Now, nabro brani govita, nadi manita, kataji nankanti, yaro sena padiga sanya, nanya manyasa. Dukkha Michiya. Once more. Nabro Brani Govita Nadi Manita Kadaji Nankanti Yarosana Bdiga Sanya Ninya Manyasa Dukkha Michiya. Okay, in French. Que nulle part, personne ne trompe ni ne méprise qui que ce soit, par le corps ou la parole, que nul n'agresse ou n'insulte, dans la haine ou la colère, que nul ne souhaite de mal à autrui. Il y a le mot paro qui veut dire vous, soi-même, et param, les autres. Il faut essayer d'éviter de se fâcher trop vite, ce qui est la signification de Nikubeta. Donc, contrôler ses émotions, ne pas se fâcher trop vite, ne pas réagir trop vite, parce que si on se fâche, comme le font parfois certains parents avec les enfants, certains professeurs avec leurs élèves, si on se fâche trop vite, on va vite perdre l'amitié de ces gens. On perd beaucoup à trop vite se fâcher. Il faut donc éviter de le faire. Nyati Magneta, c'est un mot qui contient donc la particule na, qui veut dire pas. Donc, il ne faut pas mépriser les autres. Ati Magneta veut dire mépriser. Donc, il faut éviter de mépriser qui que ce soit à cause de sa race, à cause de sa religion. La troisième phrase, Biyarosana Patigasanya, veut dire ne pas se montrer cruel, ne pas se montrer violent avec les autres. Donc la quatrième phrase veut dire qu'il faut éviter de souhaiter des problèmes à soi-même et aux autres. Souvent, quand les gens ont des problèmes ou des difficultés, eh bien, secrètement, on s'en réjouit. C'est une attitude qu'il faut éviter. Il faut, au contraire, essayer de leur venir en aide et avoir toujours dans l'esprit le souhait que les autres soient libres des difficultés, de la frustration ou des problèmes. Parce que si on ne se comporte pas ainsi, il est fort probable que si nous, un jour, nous avons des problèmes, les autres s'en réjouissent également. Et donc, on va avoir l'effet en retour. Par contre, si on a pris l'habitude d'éviter de se montrer négatif dans ces situations et de plutôt se montrer compatissant, on va également avoir cette attitude en retour le jour où nous aurons des problèmes. Donc, ce paragraphe est très important parce qu'il concerne la vie de tous les jours. Pratiquer simplement le metta mental, c'est relativement facile, mais celui-ci concerne donc notre attitude et notre comportement dans la vie de tous les jours, donc c'est très important. Ok, now let's go to next phrase. Madayata niyam bodha mayusa ika bodha manureki Iwambi sababudesu manasam bawi abri manam. Once more. Mada yata niyam bodha mayusa iga bodha manureki iwambi sababudesu manasam bawi abri manam. In French. Ainsi qu'une mère protège son unique enfant au péril de sa vie, ainsi avec un amour sans limite doit-on chérir tous les êtres. Madayeta niyam bodha mayusa iga bodha manureki. Ici, dans ce paragraphe, il est question d'un amour comparable à celui d'une mère qui n'aurait qu'un seul enfant et qui le protège au péril de sa vie. Imaginons un couple qui voudrait avoir des enfants et puis il n'y arrive pas. Ce n'est qu'après plusieurs années que finalement, enfin, la femme est enceinte et elle a cet enfant qui est tant désiré. Elle va alors protéger cet enfant au péril de sa vie. Cet enfant devient vraiment sa vie. C'est un petit peu comme si une personne n'avait qu'un œil, il le protège, cet œil, au péril de sa vie. Ici, il est question d'étendre cet amour tout à fait particulier, comparable à celui de la mère pour son enfant unique, d'étendre cet amour à la totalité des êtres, partout dans l'univers, sans limite. Il faut évidemment éviter d'envoyer cet amour et de le limiter à certaines personnes. Donc Bhante raconte une histoire à ce sujet. Dans les pays bouddhistes, traditionnellement, le matin, on cite certaines formules, notamment l'hommage au triple joyau, et on termine toujours par la pratique de metta. Et donc, il y avait une femme bouddhiste et qui le matin s'était mise à pratiquer ses prières et elle a terminé par un metta un peu particulier en ce sens qu'elle a souhaité très bruyamment à tous les êtres vivants d'être heureux et en paix sauf son mari parce que la veille elle s'était disputée avec son mari qui ayant bu l'avait frappé. Donc il faut essayer d'éviter ce genre de comportement évidemment. Donc tout ceci est très facile en théorie, mais en pratique c'est moins facile. On pourrait par exemple se demander comment serait-il possible d'aimer des tigres, d'aimer des serpents, éventuellement des fantômes. Bhante raconte, lorsqu'il se trouvait au Brésil, les gens lui disaient « Oui, on aime les tigres, on aime les lions, on aime tous ces animaux sauvages. » Mais Bhante leur a répondu « Oui, vous les aimez quand ils sont aux zoos. » Mais si vous deviez les rencontrer au coin de la rue, ce serait autre chose. Bhante va nous raconter une histoire à ce sujet. Il y avait un moine qui avait été invité dans un village voisin pour prêcher. Ce village voisin était à peu près une dizaine de kilomètres du sien, et pour y arriver, il allait devoir traverser la forêt. Ce moine se rendit donc un jour au village voisin et il traversa la forêt. Hélas, le moine, il portait une robe orange et donc il s'est trouvé nez à nez avec un buffle. Et ce buffle, évidemment, a été excité par la couleur orange et il a attaqué le moine. Le buffle se rapprochait de plus en plus et le moine répétait à son intendant « Envoie Metta, envoie Metta ». Et puis le buffle était arrivé vraiment très près du moine et à ce moment-là, l'intendant prend une grosse pierre et la lance sur la tête du buffle qui s'enfuit. Alors le moine se tourne vers son intendant et lui dit « Ok, ton métal est meilleur que le mien. » Il faut être réaliste et voir dans quelle situation on se trouve et voir dans quelle mesure on peut envoyer du métal ou agir autrement. Quoi qu'il en soit, Bhante explique que les familles ont toujours de l'attachement. Les membres d'une même famille sont toujours reliés entre eux par un lien très fort et ceci est vrai non seulement dans cette vie présente mais dans la vie passée également il y a eu beaucoup d'attachements et ce même attachement a été présent tout au long de notre errance dans le samsara depuis le tout début. Donc l'attachement a toujours été présent. Ce qui veut dire en fait qu'il y a eu tellement de vies avant celle-ci qu'il est très probable que nous nous soyons déjà tous rencontrés dans une vie précédente. Bhante vient d'Asie, nous sommes ici en Occident et il se fait qu'on se retrouve ensemble ici. Donc certainement il y a des liens de parenté entre nous qui se sont formés tout au long de ces nombreuses vies qui ont précédé celle-ci. Personne n'est vraiment un étranger par rapport aux autres. Pour knowing life situation or nature of wheel of life. Oh, life is this. No one is a stranger. Yeah. Wise man, wise view, make you a metta. Otherwise, we cannot apply metta, karuna, mudita. Okay, properly, right? Therefore, metta bhavana, also vipassana, for life understanding. Yes, we get the right view. Right view, life view. Okay? Forgiveness, love, compassion. For applying this for humanity, also for studying this Metta Sutta, may all of you be well, happy, peaceful, successful, and long life. Si nous comprenons que nous sommes tous quelque part apparentés, si nous comprenons que nous avons repris naissance à de très nombreuses reprises dans le samsara, nous pourrons facilement envoyer metta aux autres puisque nous comprenons qu'ils font d'une certaine façon partie de notre famille. Alors, nous allons également continuer la pratique de Vipassana qui va nous faire comprendre tout cela de mieux en mieux. Nous allons progressivement introduire en nous les vues justes, la compréhension juste, et tout ceci va nous amener à faire preuve d'encore plus de metta. For knowing life situation or nature of wheel of life. Oh, life is this. No one is a stranger. Yeah. Wise man, wise view, make you a metta. Otherwise, we cannot apply metta, karuna, mudita, okay, properly, right? Therefore, metta bhavana, also vipassana, for life understanding. Yes, we get the right view. Right view, life view. Okay? Forgiveness, love, compassion. For applying this for humanity, also for studying this metta sutta, may all of you be well, happy, peaceful, successful, and long life. Sadhu. Sadhu. Sadhu.